On a commencé à regarder qu'il n'y avait plus de condamnation pour nous. Au verset 1. Mais s'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que il y a eu un moment où il y en avait de condamnation. Et on va lire quelques textes ce matin qui parlent qu'on a déjà été condamnés. On a déjà été des gens condamnés. Qui veut lire le premier en haut? 1 Corinthiens 11, 32. Vas-y. Donc le monde est condamné. Le monde entier. Il n'y a pas juste quelques-uns, là. Il n'y a pas juste les gros méchants. Il n'y a pas juste les Hells là, qui sont condamnés. Tout le monde. Le monde était condamné. Même ceux que nous, on pense qu'ils ne sont pas. Le monde est condamné. Il dit, nous sommes, là, dans le Corinthiens, il parle des chrétiens, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde. Ici, c'est l'Église comparée avec le monde. Tous ceux qui ne sont pas dans l'Église du Seigneur, la vraie Église, sont condamnés. Ils sont condamnés. Deuxième, 2 Thessaloniciens. Okay. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, à la justice, sont condamnés. L'autre. Donc, il a condamné à la destruction Sodome et Gomorrhe, puis il dit, le monde d'aujourd'hui va subir le même sort. Il va condamner les impies de la même condamnation qu'il avait faite avec Sodome et Gomorrhe. Mais, il y a un autre petit verset qui dit qu'il y a de l'espoir ici, parce que Jésus a dit à une certaine femme qui avait été prise dans la flagrant délit d'adultère, qu'elle veut lire ça. Elle répondit. Donc, Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça à cette femme-là? Je ne te condamne pas. Elle était une femme adultère, c'était vrai qu'elle était une femme adultère, mais il dit, je ne te condamne pas. Donc, Jésus a le pouvoir d'enlever la condamnation. Jésus peut déclarer à des gens, je ne te condamne pas avec le restant des gens. Donc, il y a de l'espoir à penser qu'on peut éviter la condamnation. Et on a commencé à voir dans le verset, chapitre 8, verset 1, que nous les croyants, il n'y en a plus de condamnation pour nous. Il n'y en a plus, puis il n'y en aura jamais plus de condamnation. C'est fini pour nous. C'est dans notre passé, ça. Plus de condamnation. Et c'est ce qui me réjouit le plus de vous dire dans les chapitres, dans le chapitre 8, c'est, en tout cas pour moi, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un des plus beaux chapitres pour moi de la Bible. Ce chapitre-là a enlevé bien des fardeaux dans ma vie. Jésus voyait, dans le chapitre 9 de Matthieu, il dit que Jésus était dans la foule, puis il dit... Il a vu la foule, puis il dit, la foule était languissante et abattue. Parce que les pharisiens avaient mis de lourds fardeaux sur leur dos. Vous avez déjà vu ça, soit dans un film ou dans une photo, ou en réalité peut-être, un animal s'écraser sur le poids d'un fardeau. Ça s'écrase, bang à terre. Parce que le fardeau est trop pesant. Et je crois que les religions du monde entier mettent des fardeaux sur les gens. Soyons pas comme les autres. Ne mettrons pas de fardeaux sur les gens. Voyons-nous comme des gens qui sont des libérateurs. Des gens qui sortent les gens de leur condition d'être abattus et découragés. Voyons-nous pas comme des gens que... Une des raisons qu'on a peur, des fois, de faire l'évangélisation, c'est parce qu'on se voit comme des massues. On se voit comme des gens qui s'en vont, puis il faut les condamner, puis il faut leur dire. C'est vrai, il faut à un moment donné, il faut bien leur faire comprendre qu'ils sont malades. Mais prenez bien le temps de leur dire que vous avez un remède. Hein? Et si vous voyez comme un médecin qui s'en va vers les gens parce que vous avez un remède pour les libérer, vous allez vous sentir pas mal plus libre d'aller leur dire, vous allez vous sentir pas mal plus heureux d'aller leur dire, et vous allez les voir, ah, j'ai une solution à leur situation. Je crois que l'apôtre Paul, lui qui était pharisien, né de pharisien. Ah, oh, il devait avoir les fesses serrées, ce gars-là, mon. Il devait être pas mal étroite. Hein? Pharisien, né d'un père pharisien. Ça devait être serré dans cette maison-là. Mange pas, touche pas, va pas, car pas. Il devait en avoir des pas dans cette maison-là. Et je crois que c'est une des raisons qui est devenu un des plus grands libérateurs du Nouveau Testament. Il a dû être heureux de comprendre que Jésus venait le libérer. Venait le libérer. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté le Seigneur. C'était une des raisons pourquoi j'ai quitté l'Église catholique. J'étais tellement fatigué d'essayer de faire ce qu'il me disait que je n'y arrivais pas. Cette semaine, des témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous. Ça me fait plaisir qu'ils reviennent. Ils doivent voir quelque chose. Ils me disent pas ce qu'il reste. Mais je lui ai dit, Jésus est un libérateur. Je lui ai demandé, est-ce que vous voyez comme des gens libérateurs? Est-ce que vous allez pour jouer les gens pour les libérer? Parce que si vous me dites qu'il faut que je fasse les 10 commandements pour être sauvé, je trouve ça pesant. Je n'arriverai pas à le faire. J'ai dit, j'ai quitté l'Église catholique parce qu'il me disait de le faire, je n'y arriverai pas. Si vous autres, c'est la même chose dans votre mouvement, je n'y arriverai pas non plus parce que je n'arriverai pas à le faire non plus. Jésus est venu pour libérer les gens, les affranchir. Et je crois que le Romain le 8 est là pour ça aussi. La première chose qu'on a vue la semaine passée, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. On était affranchis. Je vous ai dit, vous avez quoi de collé dans le front? Vous avez un gros timbre de collé dans le front. Payé, c'est marqué payé, c'était affranchi. La lettre est affranchie. Le timbre est assez gros. Le montant payé était suffisant. Et la lettre, elle va se rendre, je vous garantis. Vous êtes des affranchis. Vous avez été affranchis du péché et de la mort. Pas par vos œuvres, pas par votre mouvement religieux, pas par vos efforts, mais, nous est dit dans le texte, à cause que Jésus-Christ a pris une chair semblable à la nôtre, et lui, il a réglé l'histoire. Lui a pris tout ce que la loi nous condamnait, tout ce que le péché nous condamnait, la mort qu'on méritait, il l'a pris dans la chair, une chair semblable à la nôtre, puis il va régler ça une fois pour toutes. Donc, il a payé pour nous affranchir. Deuxième chose qu'on a vue, il dit, nous sommes plus condamnés parce que nous affectionnons les choses de l'esprit. Nous affectionnons les choses de l'esprit. Parce que les affections de la chair, c'est, on a vu que c'était la mort. Ceux qui affectionnent les choses de la chair, ils meurent. Ils meurent. Mais ceux qui affectionnent les choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. On a vu ça ensemble. À cause qu'on affectionne les choses de l'esprit, nous avons la vie et la paix pour toujours. Donc, on ne peut plus être condamné parce qu'on a la vie et la paix. Pourquoi? Parce qu'on affectionne les choses de l'esprit. Et on va toujours les affectionner. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Ça, les deux témoins que je vois cette semaine, il y a un des témoins de Jéhovah qui était là, puis il dit, « Ah, ah! » Il dit, « Faut que tu fasses les fruits de l'esprit. » Puis là, je le regardais, puis je dis, je t'ai pas lui dire, « On va-tu lire le texte ensemble, voir qu'est-ce que ça dit? » Mais là, l'autre témoin de Jéhovah, il dit, « Non, non, non! » Et j'ai lu quelque chose dans un de ses revues qu'il lui avait, un livre. Il dit, « C'est pas nous qui font ça, c'est le fruit de l'esprit. » Et c'est pas notre fruit à nous autres, c'est le fruit de l'esprit. J'ai dit, on est d'accord, moi, plutôt là-dessus. Et c'est pas ton fruit, c'est le fruit de quelqu'un d'autre, c'est le fruit de l'esprit. Il dit, l'esprit amène quelque chose dans notre... Quand vous recevez le Saint-Esprit, là, lui, il vient avec un bagage. Il vient avec un tas d'affaires. Puis une des choses qui vient, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, toutes ces choses. Ouais, mais il dit, l'autre, il est surpris, ça se débat. Ouais, mais il dit, la maîtrise de soi, ça vient de nous. Non, c'est le fruit. Je vais me maîtriser parce que l'esprit est en moi. C'est son fruit à lui que je vais réussir à me maîtriser. C'est pas mon fruit à moi. Je dois pas me maîtriser pour que l'esprit me donne de quoi. Mais à cause qu'il me donne de quoi, je vais réussir à me maîtriser. Mettez pas la charrue avant le bœuf. Parce que vous allez voir que c'est dur de labourer. C'est bien dur de labourer quand la charrue est en avant du bœuf. Et quand, je vais vous le répéter, c'est à travers les années, si ça vous permet qu'on soit ensemble longtemps, n'essayez pas de faire ce que cet esprit doit faire. Mais quand vous allez comprendre avec moi ce que le Saint-Esprit est en train de faire en vous, ça va vous donner la capacité de faire ce que vous devriez faire. Parce que c'est lui qui est la source de votre force. C'est lui qui est la source de votre compréhension, de votre illumination. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre du salut en vous. Et vous êtes les bénéficiaires de ça. Vous êtes des gens qui réagissez à ce que l'Esprit de Dieu fait en vous. Hein, longtemps, on vous a dit, je l'ai dit, méchant garçon, à bien des gens, si tu fais ça, là, le Saint-Esprit va te bénir. Dieu va te bénir si tu fais ça. Si tu arrêtes de faire ça, là, tu vas marcher avec le Seigneur. C'est-tu de la folie, toi, Charles? Non, à ce temps, je dis, à cause que le Seigneur est en train de faire ça dans ta vie, il va t'emmener à faire ça. C'est lui qui bouge, et moi, je bouge en deuxième. Toujours lui en premier. Toujours lui en premier. S'il faut que je le fasse par la chair, pour qu'il fasse, lui fasse de quoi, je ne ferai jamais rien. Je ne peux pas rien faire pour le Seigneur. Jésus a dit, sans moi... Donc, si lui ne fait rien, puis qu'il attend que je fasse de quoi, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a jamais rien qui va se passer. Mais lui, il fait de quoi en moi, et là, moi, je réagis à ça. Et c'est ce qu'on va commencer à regarder ce matin, cette troisième chose-là qu'on va voir à partir du verset 9. « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous. » Dans Romains, chapitre 9, chapitre 8, je veux dire, au verset 9. Qui veut lire, si vous voulez, à partir du verset 9, puis on va descendre jusqu'un petit bout, jusqu'au verset 16, 9 à 16. Donc, on vient de voir que dans ce texte-là, il y a un mot qui revient souvent, c'est quoi? Esprit. Et l'apôtre Paul va faire ressortir que, à cause que l'Esprit de Dieu est en nous, il y a un paquet d'affaires qui vont se passer. dans la Bible, le Saint-Esprit nous est présenté souvent comme étant... L'apôtre Paul prend pour acquis que le Saint-Esprit, nous l'avons. Hein, ici, dans le texte, il s'adresse à des chrétiens, donc il prend pour acquis que nous l'avons. Il dit, si du moins vous avez l'Esprit de Dieu en vous, parce que si vous ne l'avez pas, vous êtes bien mal fichu. Vous êtes bien mal parti. Fait qu'au verset, dans Actes 2, 38, quelqu'un veut lire ça? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le don du Saint-Esprit ici? Se repentir et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, il dit, ceux qui se sont repentis et qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez eu deux choses. Le pardon de vos péchés et vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui se sont repentis et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont été baptisés à son nom, ont le Saint-Esprit en nous. Donc, je prends pour acquis que vous l'avez ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, ça, si vous n'êtes pas repenti et que vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'avez pas les deux choses, tout simplement. Vous n'avez pas eu le pardon de vos péchés et vous n'avez pas eu le Saint-Esprit non plus. Là, vous allez me poser la question, mais faut-il être baptisé? Qu'est-ce que le texte dit? Il dit oui. Donc, si vous ne comprenez pas, venez me voir, je vais vous expliquer ça. Mais le texte dit bien ça ici, hein? Des fois, on dit, ah non, on n'a pas besoin d'être baptisé pour ça, mais le texte dit bien ça ici. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Parce que le baptême, c'est pas quelque chose de... En tout cas, il ne faudrait pas que je parte avec ça un matin, parce que je ne finirai pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous allez me voir. Pendant l'heure du lunch, tout à l'heure, je vous répondrai à ça. Mais la Bible aussi, elle nous parle que le Saint-Esprit, c'est un sceau, hein? Il nous a marqué, le Saint-Esprit. Qui veut lire 2 Corinthiens? Éphésiens? Quelqu'un d'autre? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre Seigneur, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Encore Éphésiens? Quelqu'un d'autre? Donc, sceller ici, ça ne veut pas dire comme sceller un sac pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. C'est le mot sceau. Sceller veut dire on a étampé sur vous quelque chose. Tout à l'heure, vous dites vous aviez un thème, c'est vrai, mais vous avez une autre chose au côté, c'est un sceau. Un sceau, ça marquait l'appartenance. Ça marque l'appartenance de quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas le sceau, vous ne lui appartenez pas. Et quand Dieu va venir chercher ses enfants, il ne regardera pas dans quelle bâtisse on est. Il ne regardera pas dans quel mouvement nous sommes. Il ne regardera pas ce qu'on a fait ou n'a pas fait. Quand la Bible nous dit qu'il va venir chercher son Église, il va regarder ceux qui ont le sceau. Ceux qui ont le sceau, il les prend et les amène avec lui. Fiche avec lui dans quel bâtisse que tu vas, puis dans quel mouvement, quel nom que tu as, ça, c'est pas important pour lui. Est-ce que tu as son sceau? Est-ce que tu lui appartiens? Si oui, il va t'emmener avec lui. Donc, ce matin, l'apôtre Paul prend ça pour acquis. Que les chrétiens de l'Église de Rome, ils se sont repentis, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, ils sont scellés, ils ont eu un sceau. Et il dit, voici qu'est-ce que ça va faire maintenant. Vu que vous avez le sceau dans le front, puisque vous êtes marqué, voici ce qui va vous arriver. Voici ce qui va se passer dans votre vie. Et là, il nous dit un paquet d'affaires très intéressant. D'abord, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit à la première chose? Si nous avons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous lui appartenons. On lui appartient. On est à lui. Si on n'a pas l'Esprit, on ne lui appartient pas. Dieu ne prendra pas ce qui n'est pas à lui. Point voleur. Ça, des fois, que je dis aux gens, des fois, ils allaient entendre parler du baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, il y en a qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Fais attention. Parce que si tu ne l'as pas, le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. C'est sérieux quand tu dis ça, là. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne lui appartiens pas. Donc, c'est le point principal de son texte. Je lui appartiens, je l'ai le Saint-Esprit, donc je lui appartiens. À cause de ça, qu'est-ce qui va m'arriver au verset 10? Au verset 10, qu'est-ce qui arrive? Si je lui appartiens, le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. À cause que la justice a été accomplie par Jésus-Christ, l'esprit qui est en moi me donne la vie. Donc, quand l'esprit est venu en moi, il a amené la vie. C'est pas moi qui m'ai donné la vie. C'est lui qui a amené la vie dans mon être intérieur, dans mon être spirituel. Parce que le corps est encore mort à cause du péché. Mais mon esprit est vivante. Parce que l'Esprit de Dieu a emmené la vie en moi. Et tant que l'Esprit de Dieu va être là, qu'est-ce qui va être là en même temps? La vie. Pour que vous perdiez la vie spirituelle ou la vie éternelle, il faudrait que le Saint-Esprit s'en aille. Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il peut s'en aller? Le texte n'en parle pas ici ce matin, là, dans ce verset-là. Mais il dit que tant qu'il est là, la vie est là. Jésus a dit, je suis la vie. Dieu a dit, je suis la vie. Ici, c'est qui est la vie? C'est le Saint-Esprit qui est la vie. Donc, quand le Saint-Esprit est venu habiter dans votre cœur, ou dans votre esprit, ou dans votre âme, peu importe comment vous l'appelez, il a emmené la vie avec. Il a emmené la vie. Donc, cette vie qu'on parle ici, on parle d'une vie spirituelle. J'ai écouté un documentaire il n'y a pas tellement longtemps, je ne me souviens pas si je vous ai dit ça. Ils ont fait des tests scientifiques et ils ont fini par dire, à la fin de l'émission, que l'être humain n'a pas d'âme. Ils ont fini par dire ça dans l'émission, qu'ils avaient prouvé, les scientifiques, j'ai prouvé que l'être humain n'a pas d'âme, il est juste un animal comme les autres. J'ai dit, pauvre toi, tu t'abaisses au niveau de l'animal, toi-même. Mais l'Esprit est vie. Donc, à cause que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la vie. Mais au verset 11, il dit une autre chose. À cause que nous avons l'Esprit en nous, comme l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'est-ce qu'il va faire avec notre corps qui est mort? Il va aussi le ressusciter. Donc, la résurrection est garanti par le fait que nous avons l'Esprit. Il dit, si tu as l'Esprit en toi, comme l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, un jour, il va ressusciter ton corps et ton corps ne sera plus mort. On parle de la chair ici, hein? La chair ne sera plus morte. Et la chair va devenir aussi vivante que l'Esprit. La seule façon de régler l'histoire de la chair, c'est par la résurrection. Ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par vos efforts. C'est par la résurrection. La résurrection va mettre une fin dans votre vie au péché. Vous ne pécherez plus. Si on pouvait tous ressusciter ce matin, nous ne ferions plus jamais de péché. J'ai assez hâte. De ressusciter, juste pour plus faire de péché. Ça va être fini une fois pour toutes. Fini de me faire du mal à moi-même, fini de faire du mal aux autres, fini de diffamer le nom de celui qui m'a aimé. Fini ça, c'est fini. Et pour l'éternité, juste la vérité, juste la justice, juste le bien pour toujours. Donc la résurrection va venir à cause que vous avez l'Esprit. Une autre chose. Il dit, verset 12 et 13, qu'est-ce qu'il dit là? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, qu'est-ce que l'esprit fait ici? Quelle est l'œuvre de l'esprit en vous? Il fait mourir les actions du corps. Le corps, verset 9, on dit quoi? Le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit qui vient habiter en moi, elle, va s'acharner à faire mourir les actions du corps. Souvent, on vous a dit, « Ah ouais, faut que toi, tu fasses mourir les actions du corps. » C'est vrai. C'est vrai. Il y a une partie de ma volonté qui va travailler là-dessus. Mais ici, le texte nous dit que c'est qui le fait? C'est l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. S'il n'y a jamais de vouloir et de faire, la question est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'esprit. Parce que l'esprit va vous emmener à vouloir faire les choses de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est en vous, qui est en moi, qui dès que je me lève le matin, qui me pousse vers les choses de Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je réagis à ça. Mais quand il dit qu'il va faire mourir les actions du corps, est-ce qu'il les fait mourir une fois pour toutes? Ou s'il les fait mourir à fur et à mesure qu'ils viennent? Est-ce qu'ils vont encore là demain matin? Si je fais mourir mon orgueil ce matin, tu sais, mon orgueil, elle veut faire de quoi, là? Et là, l'Esprit de Dieu qui est en moi me pousse, me fait comprendre que c'est mal ce que je suis en train de faire, me fait comprendre que c'est péché. Et finalement, par sa grâce, je mets ça de côté. Est-ce que ça veut-tu dire, maintenant, je ne suis plus orgueilleux jamais? En tout cas, si vous faites ça, béni soit votre femme et votre mari. Mais c'est à tous les jours. À tous les jours, il va faire commencer. Tous les jours. Donc, l'Esprit de Dieu est en vous, et lui, il va vous pousser continuellement à combattre contre le corps. À combattre contre les actions du corps, contre le péché qui est en vous. Et c'est lui qui va vous stimuler, qui va vous donner de l'illumination, vous faire comprendre, dire, « Hey, ce que tu fais là, c'est mal. C'est pas bien. C'est péché. Tu devrais t'éloigner de ça. » Il va vous aider à comprendre qu'on se fait du mal en le faisant, que c'est pas ça qui va nous amener vraiment le bonheur. Parce que, faisons attention, mes frères et sœurs, de ne pas faire comme les mouvements religieux ou les sectes qui sont capables d'arrêter de faire certaines actions que nous, on appelle péché, puis qui est péché, par la volonté de leur chair. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent arrêter de faire certaines actions? Pas un chrétien va arrêter ça. J'ai vu des gens m'ont arrêté de boire complètement, du jour au lendemain. T'as des ivrognes, ils ont arrêté de boire, c'était fini. Je connais un homme qui était un adultère depuis des années. Il est devenu un témoin de Jéhovah et c'était fini. Il n'a jamais pu tromper sa femme après ça. Es-tu chrétien? Alors, on sait bien qu'il n'est pas chrétien. Donc on peut arrêter les actions dans notre vie, qu'on appelle péché, que les gens perçoivent comme péché, et que c'est péché par une force de caractère. L'apôtre Paul dit ça dans Colossiens, il dit, ils s'abstiennent des choses. Puis ils nomment un paquet de péchés par la force de leur volonté, et ils s'en glorifient. Quelle est la différence avec le chrétien, qui lui aussi va arrêter les mêmes choses des fois dans sa vie, qui va avoir des victoires sur certains péchés dans sa vie? C'est quoi la différence? La gloire revient à Dieu. Et le motif, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour gagner son ciel. Ce n'est pas pour être béni de Dieu. Ce n'est pas pour être accepté par Dieu. Il faut aller en arrière de l'action. Parce que vous pouvez voir un païen et pouvoir voir un chrétien qui vont faire la même action. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que le corps du péché est mort. Donc, il n'est pas moins mort que l'inconverti. Il est aussi mort que celui de l'inconverti. Et toutes les deux ont des désirs charnels. Et toutes les deux ont des problèmes avec le péché. Un, lui, avec sa force de volonté, avec son caractère, avec ce sentiment de culpabilité, avec toutes sortes d'affaires, il va réussir à arrêter certaines choses. Et l'autre, lui aussi a des problèmes. Mais c'est par la force qui vient de Dieu qu'il va arrêter, avec le but de glorifier Dieu et d'exalter Dieu. Il ne le fait pas pour gagner quoi que ce soit. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, le moment où ce que vous essayez de gagner quelque chose par une action quelconque, vous faites un péché. Vous ne pouvez pas acheter Dieu avec rien. Ne lui offrez pas ce qu'il a fait. C'est lui qui le fait. Il a dit ça à David un jour. C'est pas toutes tes vaches, tes bœufs, tes cochons que je veux avoir. C'est tout à moi sur ce jour. C'est pas tes actions que je veux avoir. C'est ton cœur. Les actions, lui, là. Mon pêche, on le faisait. Parce qu'on ne fait pas avec les bons motifs. On fait pas pour, on le fait pour être vu, pour recevoir, on le fait pour être béni, on le fait pour que Dieu nous accepte. Et c'est mal. On est déjà accepté. On est déjà béni. On a reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est en nous. Moi, quand vous faites une action pour le Seigneur, dites, Seigneur, je te glorifie, que ton Esprit qui est en moi m'a rendu capable de faire ça. Quand quelqu'un vous dit, « Hey, t'es bonne, t'as fait ça! » Soyons, avec la grâce de Dieu, assez courageux pour dire, « Non, non, non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui m'a aidé à faire ça. » Glorifions-le devant les gens. Donc, faisons mourir les actions du corps, pas à cause qu'on est capable, mais à cause que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui va faire ça. C'est lui qui va vous pousser à faire ça. C'est lui qui va vous pousser à vouloir désirer ces choses-là. Deuxième chose, une autre chose au verset 14, deuxième, on est rendu à la quatrième, je pense, cinquième. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Si on a l'Esprit de Dieu, on est... Avant ça. Conduit par l'Esprit de Dieu... Son Fils de Dieu. Ceux qui sont conduits. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous mène dans notre vie. C'est lui notre... L'apôtre... pas Matthieu, mais... David le dit autrement. Ta parole est une... lampe à mes pieds. La seule façon que Dieu peut vous conduire, c'est par la vérité. Méfiez-vous des événements alentour de vous. Deux personnes peuvent être dans le même événement, un chrétien, l'autre pas chrétien, et vont en tirer des leçons bien différentes. On est conduit dans la vie par l'Esprit de Dieu et la vérité qui est mise dans notre cœur. C'est la vérité par laquelle il va nous conduire. Pas par les événements. Méfiez-vous des événements. Faites bien attention comment vous allez voir. Ah, Dieu a fermé la porte. Attention quand vous dites ça. Attention. Attention. Parce que il n'y a pas qu'un monde que la porte est fermée tout d'un coup sec. Mais Dieu, par la vérité qui est en moi, que j'ai assimilée à travers les années, l'Esprit de Dieu va me faire comprendre des choses de cet événement-là qui s'en vient, qui vient de se passer. Ce n'est pas l'événement qui va m'instruire, c'est que l'Esprit de Dieu va se servir de certaines vérités que j'ai assimilées pour me faire comprendre l'événement et me diriger à travers ça. Faites attention aux événements. Il faut faire attention. Et souvent, j'ai dit aux gens, ce n'est pas à cause que la porte est ouverte ou que la porte n'est pas ouverte. Faites attention. Le principe de Dieu, c'est quoi qui va vous diriger dans le moment-là? Il y a des choses, des fois, les chrétiens disent, « Ouais, mais la porte est-elle ouverte? » Ça veut-tu dire que c'est Dieu? Le païen est rentré avec toi. Ça veut-tu dire que c'est Dieu qui l'a ouverte? Ou non, si à cause que ça fait ton affaire qu'elle soit ouverte, celle-là, puis tu es rentré là. Attention. Regardez le principe biblique. Laissez-vous diriger par les principes de Dieu, par la vérité de Dieu, et non pas par les événements. Moi, j'ai pour mon dire, en aussi longtemps que je n'enfreins pas un principe de Dieu, je peux avancer tout le temps. Je peux faire un paquet d'affaires. Je peux même arriver dans la même situation que toi et prendre une autre décision que toi, puis je ne fais pas un péché pour ça, si je n'enfreins pas un principe biblique. Et les principes bibliques, je vais les comprendre par le Saint-Esprit qui est en moi. Fiez-vous au Saint-Esprit bien plus qu'aux événements. Il va vous conduire par ça. Il va vous conduire. Faites attention à tous ces hommes dans l'Ancien Testament, à tous ces hommes, même dans les Actes des Apôtres, dans les Évangiles, qui agissent par des événements. Rappelons-nous, la Pentecôte n'est pas arrivée souvent, et ils n'ont pas le Nouveau Testament décrit. Et donc Dieu les a dirigés d'une façon spéciale à ce moment-là. Mais après qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on a, on a la parole de Dieu dans nos mains, c'est comme ça qu'il nous dirige. Donc il nous conduit. Il nous conduit. Et quand vous voulez être conduit, allez voir dans votre parole, dans la parole de Dieu. Si vous êtes des jeunes croyants et que vous ne connaissez pas toutes les Écritures, allez voir des plus vieux croyants. Ils sont loin d'être parfaits, mais ils en savent peut-être un petit peu plus que vous autres. Le nouveau croyant ne peut pas savoir plus que ce qu'il sait. Une fois, il y avait un jeune chrétien qui dit « Ah! Moi, j'ai le Saint-Esprit, donc je n'ai pas besoin d'être guidé par vous autres, les dirigeants, je n'ai pas besoin de ça. J'ai le Saint-Esprit, j'ai ma Bible, j'en ai assez. » J'ai dit « on fait ça un petit test? » Il dit « Qu'est-ce que c'est? » « On va se faire un petit test. » Les chrétiens qui sont là, toi, tu vas te mettre avec moi ici, toi, tu vas être là, moi, je vais être ici. » Ils vont nous poser des questions, ils ont. « Toi, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? » Toutes sortes d'affaires. Puis on va voir tes réponses, on va regarder mes réponses. On va voir lequel que Dieu peut conduire le mieux. Ça n'a pas pris le temps, il ne savait plus quoi dire, il ne savait plus quoi répondre. Parce que quoi? Il en savait peu. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien intentionné. Il avait peu de connaissances. Et Dieu nous conduit par la vérité. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Pourquoi on dit qu'on est plus sage? Parce qu'on a plus de connaissances de la vie. Hein? En vieillissant, on dit, oui, je sais, t'as l'air bien le fun, mais par expérience, je sais que ça ne marchera pas. Parce qu'on a accumulé des données, des vérités, des connaissances intellectuelles et pratiques de la vie, puis là, on dit, oh, ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'on a accumulé. Et on s'attend que le gars qui a 5 ans, 60, 70 ans, va en savoir plus que le jeune de 5 ans. Et qui va prendre des meilleures décisions dans la vie que le jeune de 5 ans. Parce qu'il y a plus de connaissances. Et dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Donc, quand tu es un jeune chrétien, méfie-toi un petit peu de ta décision. Puis dis, ben, je vais aller demander conseil à 3, 4, 4, 5, qui sont plus vieux, puis voir qu'est-ce qu'ils en diraient de ça, eux autres. Vous pouvez lire un livre sur le sujet. Puis dire, ben, tous ces chrétiens-là s'en vont dans la même direction. Si moi, j'avais attention à passer dans l'autre bord, attention, vous avez le choix si ce n'est pas un principe biblique. Mais si tout le monde dit ça, c'est mal, on doit se méfier un petit peu dans notre décision. Hein? Il nous conduit par la vérité. Ensuite, au verset 15 et 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on a l'Esprit de Dieu, on est... Qu'est-ce qu'on est? Continuons à lire le verset, là, il nous dit quoi, là? Si on a l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on peut appeler Dieu? Non, 15, je veux savoir. Nous sommes des enfants adoptifs, puis on peut appeler Dieu comment? Père, Abba, Père. Dieu devient notre Père. Puis on peut l'appeler Papa. Le mot « Abba », c'est un mot araméen qu'un petit enfant de 3 ans dit à son papa. Quand j'étais en Israël, je voyais les petits enfants puis avec les parents, puis ils disaient « Abba, Abba, Abba ». Puis ils appelaient le père « Abba », comme nous on dit « Papa ». C'est un mot très intime. Un juif n'aurait jamais, au grand jamais, osé dire ça à Dieu. Jamais. Il disait « Dieu est le père d'Israël », mais il n'osait jamais dire « Papa, t'es mon papa à moi. » Mais si l'apôtre Paul dit, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez été adopté dans la famille de Dieu, et vous pouvez dire à Dieu, papa, mon papa à moi. C'est important ça, de comprendre ça. Et qu'est-ce qui va me convaincre que Dieu est mon Père? Qu'est-ce qui va me convaincre que Dieu est mon Père? Dans le texte ici, là. Oups, c'est pas mal. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai été adopté. C'est pas... Méfiez-vous de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. Des fois, souvent on entend dire, « Oh, c'est par les œuvres qu'on va les reconnaître. » C'est vrai, hein? Ben oui, on va reconnaître. Nous, on regarde parce qu'on ne peut pas voir d'autres choses. On regarde des œuvres, on essaie d'avoir des œuvres. Mais le gars, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur qui lui dit? Et cet esprit est dans moi qui me convainc que je suis un enfant de Dieu. Et des fois, les chrétiens peuvent lui dire n'importe quoi. Mais là, cet esprit me convainc. Par quoi? Par quoi est-ce qu'il me convainc? Par la parole de Dieu. Que je suis son enfant. C'est ce que le texte dit ce matin. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui est là pour me convaincre que je suis un enfant de Dieu adopté. Il va prendre des vérités à travers les Écritures, que je vais entendre chanter, je vais en lisant un livre, dans une prédication, en faisant ma lecture personnelle. Je vais lire une vérité, puis il va me convaincre que je suis un enfant de Dieu. Et nos doutes, souvent, moi, ce que j'ai vu parmi les... Les jeunes, actuellement, doutent de leur salut, souvent, plus qu'ils sont jeunes dans la foi, parce qu'ils ont moins de connaissances. Et souvent, ce qui amène un doute dans la vie du chrétien, c'est un manque de connaissances. Il y a des chrétiens qui vont douter de leur salut, qui vont douter du salut des autres, parce qu'ils ont un manque de connaissances. Un manque de connaissances. Donc, est-ce qu'on peut résumer le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous? Il va nous convaincre qu'on est ses enfants. Ah, au verset 17, il dit autre chose, on termine avec ça. Or, si nous sommes enfants, il y a deux sous-effets. Le Saint-Esprit fait de moi un enfant, je suis un enfant de Dieu, il me convainc que je suis un enfant de Dieu, et à cause de son enfant, il y a deux choses là, qui vont arriver. Je vais être un héritier de Dieu, puis je vais être un co-héritier avec Christ. Je fais partie de la famille. Et en faisant partie de la famille, donc je vais être héritier. J'hérite. De quoi? Au verset 17. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Non, ils ne disent pas là. Ça arrête là. OK, je pensais qu'il disait quelque chose, mais il ne dit pas. Je vous encourage, frères et sœurs, si vous avez du temps, de prendre une concordance à un moment donné, puis de chercher le mot héritier. Avec toutes les sens, héritier, héritage, tous ces mots-là, de regarder de quoi vous héritez. Très intéressant. Ma femme, sa tante est morte il n'y a pas tellement longtemps, puis on t'a appelé toute la famille pour aller voir c'était quoi l'héritage, et pour la première fois, elle était toute là. Je ne sais pas pourquoi, mais un testament, ça a l'air d'attirer tout le monde. Tout le monde était rendu là pour voir c'est quoi je vais avoir comme héritage. On a une gang qui a été déçue, mais. L'héritage, c'est quoi mon héritage du fait que je suis un enfant de Dieu? Le fait que Christ, puis vous en cherchez à regarder, qu'est-ce que Christ va hériter? Parce que vous allez hériter avec lui, vous êtes co-héritier avec Christ. Qu'est-ce que lui va hériter? Parce que vous allez hériter la même chose. Parce que vous êtes jumelés, on a vu, on a une même plante avec Christ. On est un avec Christ, donc c'est ce que Christ va hériter, je l'hérite avec. Je vous encourage à faire ça. Vous allez voir, vous allez être motivés. Motivé. Ça motive bien plus que n'importe quoi d'autre. Je vous encourage à le faire. Donc, si on résume ce qu'on a vu ce matin, le fait que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ça nous a dit qu'on lui appartenait. Première chose qu'on a vu, c'est qu'on lui appartient. Deuxième chose, ça nous donne la vie. On a la vie pour toujours. Troisième chose, ça va nous amener à la résurrection. Il va nous ressusciter. Quatrième chose, le fait qu'on a le Saint-Esprit, il va faire mourir les actions du corps. L'Esprit va nous aider, va nous pousser à faire mourir les actions du corps. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, il va nous conduire. Et la sixième, il va nous adopter dans sa famille, puis va nous convaincre qu'on est un enfant de Dieu, va nous convaincre qu'on est des héritiers et des co-héritiers avec le Christ. Donc, vous savez, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est votre carte maîtresse. C'est quelque chose qu'on n'y pense pas assez souvent, je trouve. On a tendance à s'arrêter sur nos capacités, sur la chair. Pensez-y à l'Esprit. Vous l'avez reçu. Elle est en vous. Et elle fait toutes ces œuvres-là en vous. Et je crois que... n'oublions pas quand que nous prions, quand que nous... allons vers Dieu. Ne pas oublier ces choses-là. Que c'est lui qui fait de l'ouvrage en nous et que nous, on bénéficie de cela. L'Esprit de Dieu est celui qui va... Celui qui vous a fait naître de nouveau. C'est lui qui va vous sanctifier. Puis on va voir plus loin, c'est lui qui va vous glorifier, finalement. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux ce matin de savoir que nous sommes tes enfants. Nous avons été adoptés. Et nous t'appartenons. Tu as mis en nous ton Esprit Saint. Où ta parole nous dit dans l'Évangile de Jean, que l'Esprit Saint va rester en nous éternellement. Pas de danger qui s'en aille. Pas de danger qui se tanne de nous, qui nous rejette. Seigneur, il est notre sceau. Le sceau qui démontre que nous t'appartenons. Et que tout ce que tu as promis, tout ce que tu as dit qui va s'accomplir à cause de lui, parce qu'il habite en nous. Seigneur, dans la semaine qui s'en vient devant nous, nous croyons par la foi que l'Esprit Saint qui habite en nous va nous conduire. Et va nous donner la force de se battre contre le mal qui est encore dans notre corps. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus. Amen.